Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de La Cristoire du Catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions pris un petit cours de définition à propos des termes du catch des lettres A et B. Donc, dans la suite logique des choses, nous allons poursuivre ce petit cours de définition en commençant par la lettre C. Ceci sera donc la sixième partie. Je vous souhaite une bonne écoute. Commençons donc ce nouveau cours en commençant par le premier terme de la lettre C, la carte. Dans le monde du catch, le terme « carte » est un terme désignant l'ensemble des combats, angles et interviews prévus au cours d'un show. Ce terme désigne également la différence entre les lutteurs selon leur usage au sein d'une promotion. Les lutteurs réguliers et mis en avant par une promotion, en général ceux qui mobilisent la foule et donc rapportent de l'argent, constituent le haut de carte, tandis que les autres, moins importants ou présents moins régulièrement, souvent les semi-pros ou les amateurs, sont laissés en bas de carte. Contrairement à ce que l'on pourrait croire avec les termes haut et bas de carte, les cartes sont lues du bas vers le haut lors des shows. Les premiers matchs sont ceux du bas de carte, tandis que les matchs du haut de carte et les matchs vedettes ou tête d'affiche, appelés main event en anglais, sont donnés plus tard dans la soirée. En d'autres termes, le main event est le dernier match d'un show et c'est le combat principal. La confusion relevée ici provient du fait que les termes de haut et bas de carte désignent davantage le positionnement des matchs sur les anciennes affiches publicitaires. Les matchs vedettes et têtes d'affiche étaient positionnés au centre de l'affiche afin de ne pas, ou plus durement, pouvoir être rattachés et donc appeler le public plus longtemps, rendant les affiches plus efficaces, même à moitié arrachées, que les emplacements des matchs dans l'ordre de cartes. Le prochain terme que nous allons définir aujourd'hui est le terme catchphrase. Une catchphrase est une phrase, un mot ou une expression utilisée de façon récurrente par les catcheurs et les catcheuses, souvent conçue avec l'intention qu'elle soit reprise en cœur par le public et, à terme, réutilisée sur des produits dérivés, alors rendus populaires grâce aux lutteurs qu'elle représente. Voyons maintenant le terme « cheap hit ». C'est un terme américain qui désigne quand un catcheur, souvent un « heel », un méchant, incite à une réaction négative de la foule d'une manière facile et peu recherchée. Les exemples les plus récurrents incluent les doigts d'honneur, les insultes contre une ville ou une équipe sportive locale. Intéressons-nous maintenant au terme inverse au précédent, « cheap pop ». Là aussi, c'est un terme américain qui désigne, cette fois, quand un catcheur, souvent un face, un gentil, qui fait en sorte d'inciter une réaction positive de la foule d'une manière facile et peu recherchée, par exemple en brandissant le drapeau local, en complimentant une ville ou une équipe sportive locale. La légende du catch Mick Foley est très connue dans l'usage des cheap pops en utilisant le nom de la ville et montrant son poing levé à la caméra. Voyons maintenant le terme cheap shot, comprenez ici coup bas. Ici aussi, c'est un terme américain. Dans le domaine du catch, les coups bas, coups en traître, coups dans les parties intimes, etc. sont le plus souvent utilisés à l'insu de l'arbitre par des catcheurs peu scrupuleux, souvent des lutteurs irréguliers ou des heels, pour prendre l'avantage. Circus, ça vous parle? C'est bel et bien un terme utilisé dans le monde du catch qui veut dire « cirque ». C'est un terme américain qui se réfère à l'utilisation extensive des gimmicks de type enfantin et peu crédible. Souvent utilisé en référence à la World Wrestling Federation ou WWF pendant les années 80 et début 90, à cause des gimmicks comme celle des clowns, de Jake Roberts ou encore de Terry Taylor. Pour rappel, dans le monde du catch, les gimmicks sont les personnages qu'interprètent les catcheurs sur un ring. Voyons maintenant un terme que moi-même je ne connaissais pas avant de faire mes recherches, le terme claret ou claret, voulant dire Bordeaux. C'est un terme britannique cette fois qui désigne le sang dans un match. Un promoteur peut ainsi demander à un catcheur « Donnez-nous du Bordeaux ». Nous verrons un terme synonyme un peu plus tard dans cette chronique, le terme « color ». Passons au terme « clean », voulant dire « propre ». C'est un adjectif anglophone qui caractérise une victoire à la loyale. C'est pour cela que vous entendrez souvent les expressions « clean victory »,« clean win », etc. Un autre terme que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches, « clean house », voulant dire « nettoyer la maison ». C'est un terme américain qui désigne le fait qu'un catcheur élimine tout le monde sur le ring, soit dans une bataille royale, un Royal Rumble, ou pour sauver quelqu'un d'autre. Closet Champion, que vous pouvez traduire par champion de placard, est un terme britannique peu utilisé en France. C'est un terme désignant un tenant du titre, habituellement un heel qui craint la compétition, triche pour l'emporter, souvent par intervention d'un manager, et quand il est obligé d'affronter de bons adversaires, se provoque délibérément une disqualification depuis que les titres ne peuvent plus changer de main par disqualification pour conserver son titre. Voyons maintenant, comme promis plus tôt, le terme « color » qui veut dire « couleur ». Ce terme est un terme exclusivement américain désignant le sang qui résulte habituellement, mais pas toujours, d'un blending, qui est un terme que nous avons vu, si vous vous souvenez, la semaine dernière. Passons maintenant à la lettre D, si vous le voulez bien. Commençons, ou plutôt, poursuivons, par le terme Dark Match, que l'on peut traduire par match dans le noir. Un Dark Match est un combat non télévisé, ayant lieu lors de l'enregistrement d'un show, généralement juste avant la partie télévisée. Il sert au repérage de nouveaux talents, à donner de l'expérience à des catcheurs peu expérimentés et à chauffer la salle. Il peut aussi avoir lieu en fin de show avec des têtes d'affiche pour offrir un petit plus au public présent par rapport au public télévisé. Passons maintenant à un terme ancien qui n'est plus utilisé aujourd'hui, celui de diva. À l'époque, une diva est une appellation officielle des catcheuses de la WWE de 1999 jusqu'en avril 2016. Elles sont, à partir de cette date, nommées superstars, comme leurs collègues masculins. Le terme diva reste tout de même utilisé pour dénommer les participantes de certaines émissions de télé-réalité de la WWE, telles que Total Diva. Dusty Finish. Mais que signifie ce terme ? C'est simple. Un Dusty Finish est un finish spécifique qui consiste à voir un babyface ou un face, un gentil, c'est la même chose, remporter un match ou un titre alors que l'arbitre est KO et qu'un deuxième arbitre a pris sa place. Lorsque le premier arbitre reprend ses esprits et qu'il n'a pas vu ce qu'il s'est passé, il annule la décision et donne la victoire au heel, au méchant, ce qui est censé faire enrager le public. Son nom vient du fait que le regretté Dusty Rhodes a énormément utilisé ce type de finish lorsqu'il était booker de la future WCW en 1986-1987. Pour rappel, un booker dans le monde du catch est une personne qui s'occupe du déroulement des matchs, de la carte des matchs et des moments importants des matchs. Donc, comme je l'ai dit lors d'un des premiers numéros de l'histoire du catch, dans un match de catch, l'arbitre fait office de troisième homme. En d'autres termes, l'arbitre est totalement complice des superstars qui s'affrontent. Passons maintenant à la lettre E, car la lettre D était un petit peu courte. Et donc, poursuivons par le terme Extreme Wrestling. C'est un style basé sur les techniques aériennes fréquentes et l'usage d'armes. C'est un style similaire au catch hardcore que nous avons défini il y a de cela quelques semaines. Extremists. Ce terme vous parle ? Non ? C'est normal, je ne le connaissais pas non plus avant de faire mes recherches. C'est un ancien terme utilisé par la WWE pour désigner les catcheurs de la division ECW à cause de leur jeu extrême par rapport aux catcheurs et catcheuses des divisions Raw et WWE SmackDown. Ce terme est donc un terme se rapportant énormément à la WWE, vous l'aurez compris. Pour le petit point culture, la ECW est ou était une division de la WWE ayant fermé ses portes il y a de cela plusieurs années. Et passons directement à la lettre F, car la lettre E était encore plus courte. Babyface ou face, que vous pouvez traduire par gueule d'ange. Le terme face ou babyface est un terme désignant un catcheur ou une catcheuse incarnant le ou la protagoniste appelée à recevoir l'appui du public. C'est un terme utilisé par opposition au terme heel. Donc, vous le savez désormais, un face dans le monde du catch, un face ou une face, c'est le ou la gentille, et un heel ou une heel dans le monde du catch, c'est le ou la méchante. Voyons le terme face turn maintenant. Une superstar masculine ou féminine effectuant un face turn est une superstar qui était heel, puis qui, à la suite d'un événement, comme par exemple à la suite d'un sauvetage d'une superstar ou d'un retournement contre un de ses collègues heel, reçoit l'appui du public. Cette superstar passe donc d'un heel, d'un méchant, à un face, à gentil. Et il y a, bien évidemment, le contraire, qui est un heel turn que nous verrons quand nous aborderons la lettre H. Intéressons-nous maintenant au terme feud ou feud, désormais que vous pouvez traduire par le terme de rivaliser. C'est un terme américain désignant une rivalité entre deux ou plusieurs catcheurs mis en scène au gré de leur confrontation, avec parfois pour enjeu, mais pas toujours, la course à un titre de championnat. Ces rivalités sont créées pour but de susciter l'intérêt de la part du public ainsi qu'une implication émotionnelle plus forte chez le spectateur. Finish, que vous pouvez traduire par fin, F-I-N, désigne, tout simplement, le dénouement d'un match, le plus souvent scénarisé à l'avance, qui, dans le monde du catch, peut revêtir bien des aspects différents pour alimenter une trame narrative comme une victoire à la loyale, une disqualification, un double décompte, une interruption par des intervenants extérieurs, un renversement de décision, etc. On appelle clean finish, fin propre, une fin de match par tombée, abandon ou KO sans tricherie, ni besoin arbitral particulier. Ce qui n'est pas forcément la norme dans le monde du catch. Deux des termes qui se rapprochent du terme finish sont celui que nous avons vu juste avant, Dusty Finish, et le terme que nous verrons dans une prochaine chronique, Screwjob. L'avant-dernier terme de cette chronique sera le terme, finisher, que vous pouvez traduire par prise de finition. Ce terme désigne une prise de prédilection d'un catcheur volontairement particulièrement impressionnante et ou puissante qu'il utilise le plus souvent pour achever son adversaire et ainsi s'adjuger la victoire. Vous l'aurez donc compris, les termes finisher et finish sont très complémentaires et l'un va rarement sans l'autre. Et enfin, le dernier terme, 5-star match. Un 5-star match, comme son nom l'indique, est un match 5 étoiles ou qui mérite 5 étoiles, qui est la plus haute note selon un système de notation inventé par le journaliste sportif Dave Meltzer. Nous arrivons donc à la fin de cette chronique, mais comme d'habitude, je ne veux pas la terminer sans un petit point prévention. C'est peut-être rébarbatif, mais si je le répète, chronique après chronique, c'est que c'est très important, donc je me dois de le faire. Une nouvelle fois, les superstars du catch, hommes et femmes, sont des professionnels très entraînés qui savent comment amortir les coups, les chutes, les prises. Ils et elles se blessent parfois. D'ailleurs, certaines de ces blessures ont mis fin à la carrière de plusieurs superstars masculines ou féminines, comme par exemple, à l'époque, Paige. Donc, si vous pratiquez le catch sans entraînement ni préparation, ce n'est malheureusement pas votre carrière qui risque de se terminer avant même d'avoir commencé. C'est ainsi que se termine cette sixième partie sur la crise du catch. Dans la prochaine partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous continuerons notre petit cours de définition de termes dans le monde du catch, en commençant par la lettre G. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serons donc bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.